le morceau Maïlé, mais tu connaissais un petit peu le garçon, vous connaissiez aussi même. Ouais, bien sûr. Ouais, chacun le parcours de l'autre. Ouais. En fait, moi, à un moment, j'ai commencé à le suivre un petit peu, bah, justement, lorsqu'il a commencé à bosser avec Omar. Tu vois, donc. Moi, ça fait très très longtemps. Ça fait longtemps qu'il est là, de c'est, tu vois. Ouais. Donc, je crois, la première fois que je l'ai entendu, j'étais vraiment petit. Il avait fait un truc avec Cynic et Pete Bacardi. Ouais, à l'époque. Ça faisait partie des premiers morceaux que je faisais, je crois. C'était en 2004, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. J'avais 14 ans, tu vois. Ouais, 14 ans. Au début, ouais. Ben c'est vrai qu'on oublie de le dire, mais il y a aussi des gens qui vont te découvrir, Dossé. Hein. Toi, ouais, d'ailleurs, tu te considères aussi pareil, hein, de cette nouvelle génération, même si ça fait un petit moment que tu... Ouais, moi, je pense que c'est un tour de force. C'est un tour de force que je suis fier d'avoir réussi à faire. D'où le nom Perestroïka. C'est ça, reconstruction, frère. Tout le temps, on se régénère. Bon, avec vous, on voyage en même temps. Entre toi, le Japon, monsieur, la Russie. C'est ça, frère. C'est ça qu'on aime. France, c'est dur, la France. On fait le tour du monde avec vous. C'est ça. Même ton album, d'ailleurs, qui s'appellera Yuri. Ouais, Yuri. Ouais, Yuri, toujours. Il y a une consonance pas forcément orléanaise, hein, Yuri. On reste dans la cohérence. Ouais, c'est ça. Yuri Orleans. Yuri Orlov, Yuri Orleans. Mais tu balances des Yuri Freestyle aussi. Ouais, les Yuri Negrovski, ouais. En fait, c'est des sortes de série. Ouais, voilà. C'est des hors-série en fait que je balance comme ça pour donner un petit peu de matière à ceux qui me suivent, tu vois. Donner la matière à mon public. Et donc voilà, t'as vu, tout ça c'est visible sur YouTube. Hein. Bon, et vous êtes présent sur le morceau Le Coup du Patron. Yeah. Je le disais, Gradure. Alors il devait venir ce soir, mais. Mon frère, le mec, il a raté son avion encore une fois. Il est en Thaïlande en fait. Ah non, mais laisse tomber. Gradure, et c'est vrai que pour revenir, c'est un peu compliqué a priori. Ouais. Ou alors il se plaît tellement en Thaïlande. Excès d'alcool dans le sang, Donc mais il est pas là. Big up à lui. Avec nous, mais on le salue, ou il va pas tarder à arriver en tout cas. On le salue, il est présent sur le morceau Coup du Patron qu'on écoutera. Ouais. Que vous nous ferez en live. Yes. Ouais. Une version avec vous deux, donc inédite. Ouais. Ce sera tout à l'heure en fin d'émission et on débute comme chaque soir avec Bendo. C'est parti. Bête de Zomblou, paire de Gita sur le pif. Troisième doigt levé juste pour le kiff. Tous les jours mes frères sont dans le bendo. C'est un pour la monnaie, deux pour le bif. Je crois bien qu'il est temps que je change de ce pu. Mon bigot commence à me faire des faces chelou. Je crois bien qu'il est temps que je change de te puce. Elzi m'a pris pour son raclo, ça vient grave relou. On arrache pas de vieille, pas de ça chez nous. Charbonne tout l'hiver pour faire l'été à Cap Salou. Toutes sortes de doco, quid, hache, caillou. Toutes sortes de bolos, bob, tout rond, noir, rebe, pas de jaloux. Je pense cesse extra quand j'ai pas d'oseille. Je mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es mal, cabré. T'as calmé, Air Max, craqué. Sur bête poche, c'est le style toute la night. Et j'fais l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bando, bénéfice planqué dans le matelas. Billet bleu, billet jaune, billet pourpre. Les incoums, téléphone du carpla. Déjà 4 piges qui n'étourent. Soir c'est tous mes youvois sont de sortie. Bouteille à la blotaga même si personne tisse. Grégus, belvé, tombé, insolent effronté. Même ta belle est domptée. On veut pas finir en chien comme tous ces graves en schlagué. Rien que les feux que prennent en photo, ils sont graves aux aguets. Mais nique sa mère, on tape la démarche, on est salement swagué. Plaque et DG, Givenchy, Balenciaga. J'pense cesse extra quand j'ai pas d'oseille. J'mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es Max, cabré. Taïra, lève ta calme. Air Max, craqué. Sur bête poche, c'est le train toute la night. Et j'que l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bendo. Crois pas qu'on joue. Dans le bendo. Si j'traîne toute la night. Et j'que l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chances d'attraper le das que de gagner au loto. Dans le bendo. Dans c'est la famille. Joue DJ Core. Pas jaloux. Y'en aura pour tout le monde. Perez Boeka. Le morceau c'est Bendo, on le retrouve sur le projet Perestroïka qui est dans les bacs depuis lundi. Si si. Qu'on peut télécharger, qu'on peut acheter. Attention, il y a que 5000 exemplaires. Ouais, il y a que 5000 exemplaires physiques, on le répétera jamais assez. Voilà, donc dirigez-vous vers les Fnac, vers tous vos magasins, etc. Et voilà, et achetez ce CD, il y a les cuissons dedans. Vous pouvez broder ça sur vos polos, sur vos t-shirts, sur vos bombers, sur vos suites. Perestroïka Gang. Perestroïka Gang. Gang. Pardon, la Ferrari, excusez-moi. Gang. Gang. Perestroïka Gang. C'est ça, c'est ça. Qu'on retrouve donc sur le CD, à l'intérieur du CD, pour ceux qui l'achèteront. Voilà. Dépêchez-vous, il n'y en a que 5000. Hein. Ouais, ouais, ouais. C'est Perestroïka. Ah bah tiens, il est là le mien. J'ai pas encore. Il faut que je le mette sur mon blouson. En plus, t'as un pull noir là, ce serait parfait dessus. Ouais, ouais, on verrait bien en même gang, temps. Là. Ouais. Ah, là, je serais totalement Perestroïka Gang. Gang. Rejoins la secte, Fred, rejoins la secte. Ce soir, il y a. Ah, mais ça, il est. Ah, non, non. Mets-le. Mais non, mais il se colle pas, il faut le coudre. Soit le coudre ou soit passer un coup de fer à repasser, tu vois. Ah. Tu le places, coup de fer à repasser, le truc il s'agrippe. Bon, j'ai sorti le fer ce soir. Il bouge pas. Ok. Et il y a Joke qui est là aussi avec nous ce soir entre 20 et 21. T'as quel jugement d'ailleurs sur des gens comme Joke, sur cette génération qui arrive un petit peu aussi après toi, quand tu l'écoutes, quand tu vois jugement. Ce qu'il fait. Ouais. Réponds pas comme l'autre, frère. Ah, tu sais, les hostilités sont ouvertes. Non mais de toute façon c'est simple, hein, tu sais, moi je vais pas inviter sur mes projets un mec que je kiffe pas, un mec donc voilà, donc non, moi j'adhère totalement à Joke, tu vois, moi je kiffe ce qu'il fait, je trouve qu'il ramène une couleur, il ramène une fraîcheur, il a un délire à lui. Et en plus je trouve qu'il a fait que s'améliorer au fur et à mesure du temps. Donc moi je kiffe, je valide en tout cas. Moi perso je valide, y a pas de problème. Et je tiens à dire pour aussi peut-être ceux qui auraient un doute sur Joke, allez le voir en concert Joke. Ouais. C'est juste hallucinant. Ouais. C'est très très chaud. Moi j'ai eu l'occasion justement de faire plusieurs scènes avec lui, dans un peu à travers la France et même sur Panama, mais franchement c'est très très chaud. Public grave réceptif et t'as vu, voilà, il a une vraie fanbase et qui connaît ses sons, qui voilà, c'est bien, c'est très très lourd. Mais on voit en plus, tu prends du plaisir sur scène. C'est devenu mon domaine. Ah ouais, y a un vrai truc qui se passe. À la base, j'avais du mal. Hein. J'avais du mal, j'étais un peu timide, tout ça. Mais maintenant, je crois que c'est ça que je préfère. Bah après, c'est tout le monde, toi aussi, je suppose. Ouais, toi, tu te souviens de ta première scène d'OC? Bon, ça fait longtemps. Les toutes premières scènes que t'as pu faire? Franchement, je m'en souviens même pas. T'y allais comment? Plutôt un peu anxieux, plutôt. Je pense que t'es toujours anxieux avant une scène. Tu vois, dans tous les cas, t'as toujours une petite boule au ventre, tu vois. T'as toujours une petite envie de yèche. Classe. Mais après, voilà, et après. Bah, une après, fois que t'as été. Donc... Ouais, une fois que t'es lancé, ça y est. Hein. Une fois que t'es lancé, ça y est, t'as vu, t'es chaud et limite t'as plus envie de partir après. Toi, t'as ça encore, Joke? Non, ça va. Non, ça y est, c'est passé. C'est passé? Ouais, c'était. Zama! Non, c'est passé. T'as vu, je suis détendu, mon frère, à chaque fois. Non, tranquille. Bon, tu prends de plaisir en tout cas. Il y a d'autres dates aussi encore qui arrivent. Il y a beaucoup de dates. Beaucoup. Des festivals, des trucs comme ça qui arrivent. Tu vois, ils tournent énormément. No homo. Là, on va être à Montréal samedi. Ouais, no homo. Là, c'était une dinguerie. Hein. No homo, il était impératif. Hein. Ouais, samedi, on est à Montréal. Samedi, direct. Ah oui, tu connais pas en plus. On en avait parlé lors du Planet Rap. Ouais, non, c'est la première fois qu'on y va là. Avec l'équipe. Après, il y a la semaine prochaine, il y a un truc à Sanois, je crois. Tu seras là ou quoi? Dans le 9-5. Je sais pas, frère. Jamais, on verra. Après, 9-5, 4-5. Ce n'est qu'une question de numéro. Tout n'est qu'une question de 5. Bon, allez voir Joe quand il est en tournée actuellement. Dossé, il y a des dates aussi. On vous les fera peut-être demain entre 20 et 21. Ouais. Dans le Planet Rap. Bon, bah écoutez ce morceau que vous avez fait ensemble d'ailleurs. Le morceau où il y a aussi Gradure, le coup du patron. Le coup du tromps. Que tu traduis comment, toi, l'expression le coup du patron En fait, c'est tiré d'un délire qu'on a trouvé pendant qu'on enregistrait le morceau justement. C'est que quand on réfléchissait au refrain, donc Joke il a eu l'idée de son truc là, tu feras plus le coup du patron. Et en fait c'est en référence à Menace to Society. En fait. Voilà, tu vois, c'est une scène mythique, hein, je pense que tous les gens de qui l'ont vu en tout cas connaissent. Ou faut le voir. Ouais, voilà, façon, c'est le voir. C'est vrai voilà. Que ça c'est pas démodé quoi. Ouais. Et en plus c'est dès le début donc allez-y. Et le coup du patron maintenant, on l'écoute. Et vous le ferez aussi en live dans une version un peu inédite puisque Gradure n'est pas là, il est en Thaïlande. Ouais. Où il arrive, il est sur le trajet. Perestroïka dans les bacs, allez le chercher ou on vient vous chercher. Ok, Yuri, Durga, Joki, pour mes

Tu vois, je pense qu'il y a une compétition, mais c'est une compétition saine. Ouais, tu vois. Et ça qui fait que le morceau aussi devient chaud parce que on se met un peu la pression pour faire quelque chose de bien, quoi. C'est ça. Qui a posé en premier d'ailleurs sur le morceau d'Océ? En fait, c'est moi. En fait, moi, j'avais la prod et j'avais l'esprit du morceau que je voulais, tu vois. J'avais le délire que je voulais faire. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai les épaules et que j'ai envoyé à Joe et à Gradure pour qu'ils captent en fait dans quel délire je veux partir. C'est un morceau que tu voulais faire avec du monde dessus, celui-ci. C'était pas un morceau que tu voulais. Ouais. C'est avec eux que je voulais faire. C'est, tu vois, le morceau, je l'ai pensé en mode voilà, Dossé featuring Joe et Gradure. D'accord. La prod, tu l'avais? Ouais. La prod qui est signée par? Par Redrum Music. Redrum Music, ouais. Music, encore une fois, donc voilà. Et bah, ce morceau s'appelle Le Coup du Patron. On le retrouve sur le projet de Dossé Perestroïka qui est dans les bacs depuis lundi. Vous le ferez en live aussi? On le fera en live tout à l'heure, là. Version spéciale, puisque Gradure est retenu en Thaïlande. Version duo. Et ben, ce sera dans un instant, à pas louper. On vous attend au freestyle par téléphone aussi, 41-759, la roulette qui va tourner, pareil, 41-759. Pour les inscriptions, qu'est-ce qu'on met dans un instant, Dossé, comme morceau? Je pense qu'on va se mettre Shoot. C'est parfait. Ça ouais. Pas mis encore depuis non. Depuis début de semaine. On l'a jamais mis et j'ai envie que les gens le découvrent. Donc c'est je crois que c'est la plage numéro 8, c'est ça? Ouais. Voilà. Bravo, putain, tu connais par cœur, tu fais un bon frère. C'est mon CD quand même, hein. Le coup du patron. Le coup du patron, c'est la 9. Waouh. État de siège? C'est la 2. Putain, j'ai pas le Orleans. C'est la 13. Mais on va finir en beauté, dernier mot. C'est la 15. Voilà. C'est la dernière. C'est 15 morceaux en tout, hein, sur le projet de Dossé. C'est ça, ouais, 15 morceaux, ouais. Qui est dans les bacs depuis lundi. Bougez pas, on revient dans quelques minutes, juste après ça. Hey. Ladies and gentlemen. Skyrock le reçoit en direct et pendant une heure complète ce soir. Planet Rap. Avec Dossé sur Skyrock. C'est Skyrock et c'est le Planet Rap avec Dossé et le projet Perestroïka. Ouais. C'est dans les bacs. T'as tout écouté, c'est toi, dans Joe, les bacs, ou pas? C'est dans les bacs. J'ai pas pu tout écouter encore. En fait, le truc, c'est que j'ai tout téléchargé sur mon iPad. Et comme j'ai pas de passe sur mon iPad, j'ai le bail de. Comment ça s'appelle? Tu vois, quand ça met les trucs en. Ah, il faut être en réglage, genre. Tu vois ce que je veux dire, ouais, ou pas? Ouais. Donc j'ai que le début du projet et j'ai pas la fin. Il faut vider un peu, faut nettoyer un peu parce que t'as plus d'espace dessus. Ou en racheter un autre. Mais c'est quel type de fichier qui prend tant de place que ça dans un iPod? Je sais pas, mon frère. Moi, ça me paraît bizarre, ça. Mais attends, t'avais un autre truc à lui dire. C'est parce que c'est tellement lourd que ça rentre pas. Ah, c'est vrai, ouais, en plus de ça. Tu vois? Mais je pense que. Il y a des fichiers bizarres dans ton iPad. Non, tranquille. Il y a que du propre. C'est pas le genre, en plus. Il y a que du propre. Non, c'est pas le genre. C'est pas le genre. Quand t'écoutes les paroles, tout ça. Ouais, la chatte à maille et Cyrus, tout ça. C'est pas le genre. Ça, c'est toi, ça. Ah, c'est lui qui a trouvé? Je me rappelle même plus. Je me rappelle pas. Le refrain aussi, on l'a fait ensemble. Ouais. C'était un peu la même manière. Tout comme le coup du patron, ouais. C'était travaillé pareil, ouais. Ouais, le truc c'est vraiment fait ensemble, tu vois. Bon, ce soir, Joe qui est en invité dans ton Planet Rap Dossé. Yes. Et on avait promis juste avant la pub de balancer un morceau, le morceau qui s'appelle Shoot. Shoot, produit par Redrum Music. Je sais pas s'il est arrivé sur ton iPad, celui-ci, Shoot. Ouais, si. Donc si, celui-ci, si. Tu l'as pas, ça va, t'as la moitié de l'album. Ouais. Du projet, de la mixtape. Pardon. Il a du mal, frère, il a du mal. Oh, ça va, c'est un album, mixtape. C'est du bon son, en tout cas. C'est du bon son, voilà, c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est comme, mais c'est non, pas. Non, mais comme. Il y tient. C'est comme le Canada Dry, t'as vu, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Ok. Il tient au fait qu'on dise que c'est une mixtape. Voilà. Donc c'est important, c'est la mixtape Perestroïka. Et un extrait maintenant, le titre Shoot. Sort d'esclaves dans les veines, mais cœur de boss. Arrogance à l'extrême, gauche bombe le torse. L'argent me rend la queue rigide sur la tête des gosses. Sur la vie de ta mère, la frigide, ton père le précoce. Si le savoir est une arme, on servira d'une arme pour étudier ton anatomie. Je vais arriver en balle, tous les fumés, repartir en bolide, entrer dans la folie. Je voulais juste la vie de rêve, Montana Tony. Le matin, je négocie un deal à Def Jam, et l'après-midi, je cause édition à Sony. Regarde vif, Tico, 600 sans l'éveil. Wesh la street, wesh mes garces, wesh mes reines. Je viens bâtir un empire, pas juste baiser des chiennes. Être libre, c'est choisir ou placer ses chaînes. Jury, je suis le nouveau négro qui a la deco. Tu l'es, chego. On veut juste palper, quitte à te laisser les sinus pleins de coco. On est venu en paix, arsenal russe dans le reco. Qu'ils haïssent ou qu'ils aiment, qu'ils aiment. Tant qu'ils payent, tant qu'ils craignent, qu'ils craignent. Ma clique, ça fait peine, ça fait peine. Ça fait clic, ça fait bang, ça fait bang. Qu'ils haïssent ou qu'ils aiment, ou qu'ils aiment. Tant qu'ils payent, tant qu'ils craignent. Ma clique, ça fait belle, ça fait belle. Ça fait clic, ça fait clic, ça fait clic. Dans la street, j'ai gagné moins de bif, j'en ai du père. Dans la zik, y'a tout ce que j'ai misé, faut que je récupère. Igor, bas les couilles, t'es gilo, et combien t'en baises? Ah, combien tu touches ton kilo? Combien tu le vends? Combien t'encaisses? Dis-nous, même crâne que Freezer. Même qu'à visite, tatano bitch, j'ai ta rondelle dans le viseur. Charbonneur, artiste, tacanoviste, Versace, Versace, Versace. Gucci, Fendi, Prada, Givenchy. J'suis né pour distribuer des flégis, faire bouger mes Audi, faire lustrer le brochi. Ouais, j'suis mort, laisse jacter ces bouches de vieille. J'pose une taille, chaque fois que l'un de souffle les veines. J'baisse le monde entier dans l'ombre, mes soldats veillent. J'en ai trop manqué pour ne pas aimer l'oseille. Tout frais, tout neuf, tout droit, sorti de zine, j'suis un proto. Si je vais recevoir ce tir dans les airs, c'était mon proto. Je sors le scud quand je veux, il sera jamais ni trop tard ni trop tôt. Big, Yuri, Ozo, Negro, Miro, Sami, Otto. Qu'ils haïssent ou qu'ils aiment, ou qu'ils aiment. Tant qu'ils payent, tant qu'ils craignent, qu'ils craignent. Ma clique, ça fait bang, ça fait bang. Ça fait clic, ça fait bang. Péré, strouille. Qu'ils haïssent ou qu'ils aiment, ou qu'ils aiment. Tant qu'ils payent, tant qu'ils craignent. Ma clique, ça fait bang, ça fait bang. Ça fait clic, ça fait bang, ça fait bang. Bang, bang. La Bongueo dans la salle, big up à eux. Neuf de Nanterre, oui, oui, oui. Allez chercher Petruska, c'est le Pablo, c'est Nanterre. Tous les refs au Hebs, Nanterre, Fleury, Oni. On est là, Petruska, prêt. Alors, le stick est bonne. Dossé et Perestroika, le morceau Shoot qu'on écoutait à l'instant. Yes. Toujours produit aussi par Redrum Music, ouais. Redrum Music. Ah ouais. Qui est présent dessus, qui est présent. Il a fait pas mal de prod, je pense une bonne. Peut-être pas la moitié, enfin un petit peu moins de la moitié, mais en tout cas, ouais. Joe qui est là aussi, il y a quelqu'un que vous avez aussi en commun, c'est Oumar, hein, le célèbre Oumar, qui est qui était à Def Jam. Oumar Digno, qui a monté GoldenEye. L'homme à battre. L'homme à battre. Qu'est-ce que on peut dire un mot justement sur le rôle d'Oumar qui est avec toi, qui est aussi avec toi, Joe. Ouais. En fait, c'est notre gourou, tu vois. C'est notre gourou spirituel, t'as vu, tu vois. En fait, c'est une sorte de secte. Il est en face, regardez, il est en face. Attention. Ouais, c'est une sorte de secte, et voilà, t'as vu. C'est lui qui nous a fait rentrer chez les Illuminati. Exactement. Ah, c'est lui. C'est lui qui a accès aux Illuminati. Exactement, tu vois, c'est lui qui a la clé, t'as vu. C'est il en passe. Monstre. C'est moi le monstre. Donc ce soir, vous témoignez bien qu'il fait partie de cette bande. Ouais, il en fait partie. Il a, t'as vu, il a sa carte triangulaire. Il a la carte triangulaire, en fait. C'est Fred qui m'a appris à être un élu. Ah bah je l'ai introduit dans le gang des Illuminati. Fort. Non, c'est ouais non plus sérieusement c'est bah écoute ouais c'est le manager c'est avec lui que t'as vu tu sais que qu'on a trouvé peut-être les directions artistiques de certains morceaux. Voilà tu sais des délires à tester des même t'as vu même le fait de tu sais de commencer à chantonner tu vois d'utiliser un peu l'autotune tu vois c'est lui qui m'a un peu poussé à ça tu vois mon frère comment tu dis à cause de moi que tu chantes il a pris le micro ils vont me détester. Bah, on attend le prochain album de chansons françaises hein, de ouais, voilà c'est ça c'est un prochain album de Def Jam que Dossé fait de l'autotune. Non mais c'est important je voulais le souligner parce que c'est important souvent on dit oui dans les maisons de disques ils y connaissent rien machin enfin il y a toujours le même discours aussi parfois pas tout le temps mais en tout cas Oumar est là depuis un moment il a monté le label GoldenEye aussi depuis aussi un sacré moment il bosse avec des producteurs dont la liste est longue. En fait le truc c'est quoi c'est que t'as vu en général les gens qui parlent de gens de maison de disques ils parlent pas des mecs qui ont le profil d'Oumar tu vois c'est Oumar c'est pas un mec de maison de disques en fait tu vois parce en que vrai, c'est un mec déjà à la base enfin tu sais c'est un mec du Peura vraiment du Peura et qui a fait son chemin en indé donc ce qui fait qu'il connaît justement tu sais le délire de le type de rappeur comme moi tu vois c'est un mec qui sait travailler un à l'oreille. Ouais, il a l'oreille même, t'as vu, c'est une question de vision aussi, c'est pas que l'oreille, tu vois. C'est même la vision, la manière de taffer le truc. Et voilà, et sur ça, on se rejoint. C'est pour ça qu'on bosse ensemble et que, voilà, et qu'on s'entend bien sur ce truc-là, tu vois. Bon, pour toi aussi, Joe, je suppose que c'est important d'avoir Omar. Ouais, bien sûr. Qui est dans le coin. En fait, on planifie de grandes choses. C'est surtout ça, en fait. On a la même vision. On va aller très loin, quoi. Donc, on planifie la prise de pouvoir. Bon, et c'en est où, toi? Parce que la dernière fois, le Planet Rap, bon, l'album, t'avais pas de date, évidemment, mais t'as un peu avancé depuis. Il y a des. On s'est revu pour les dates. Oui. Ouais. Pour les dates de tournée, mais sur l'album. Ah, sur le deuxième album, ouais. J'ai beaucoup bossé sur des prods, en fait, avec des producteurs. On a fait un petit séminaire quelques jours avec 5-6 producteurs avec qui je bosse souvent. Et on a bossé sur des prods fort. Beaucoup productif en ce moment. Ouais, t'écris pas mal. Ouais, j'écris pas mal. D'accord. Toi, Dossé, c'est quoi en ce moment? T'écris un peu ou... Ouais, ça bosse fort. Bah, tu sais, nous, on s'arrête pas parce que, en plus, là, bon, voilà, Perestroïka, c'est dans les bacs, faut aller le chercher, mais nous, on est déjà sur la suite, tu vois. Summer Crack 3 pour l'été, et puis, Yuri, si Dieu veut, à la fin de l'année. Oui, donc ça n'arrête pas en fait. Ça bosse, ça turbine à mort. On va mettre un autre morceau, freestyle par téléphone. On a du mal à joindre le freestyler qu'on devait avoir, donc on va passer encore un morceau supplémentaire. Ok. Qu'est-ce que tu veux mettre, Dossé? Bah écoute, c'est quoi, mettons Yuri Negrovski. D'accord. Donc ça, c'est ce que tu as lancé aussi, le côté Negrovski, sur les parties freestyle, sur les morceaux inédits que tu balances aussi sur le net. Ouais, voilà, c'est. On va dire c'est mon alter ego. C'est l'alter ego? Ouais, c'est mon alter ego. C'est qui, oui, ce Yuri Negrovski? Il est né comment? Il est né non, en fait le délire Yuri, déjà à la base ça part du film Lord of War. Mmh. Tu vois, qui est un de mes films de chevet, et le personnage principal, il s'appelle Yuri Orlov. Donc en fait tout est parti de là, t'as vu, c'est juste un délire à la base. Voilà, moi je kiffe le film, je kiffe l'acteur, je kiffe le personnage, donc voilà, tu vois, c'est un petit surnom et tout, voilà, Yuri. Et puis ouais, et puis après voilà, tu sais, ça a évolué, ça a muté, c'est devenu Yuri Negrovski, tout simplement. Et bah c'est aussi un morceau qu'on écoute maintenant, qui est extrait de Perestroïka. Oui. Richie Beats à la prod. Igo, j'ai la force d'un esclave, mais la psychologie d'un maître. Moi j'ai toujours voulu en être. Béni soit jour qui m'a vu naître. J'étais promis un grand avenir avant même qu'on détermine mon sexe. J'ai lu la tristesse de ce monde sur la gueule des toubibs qui tenaient les forceps. Je m'adresse à ceux qui me comprennent malgré le complexe de mon concept. Je pardonne à ceux qui me jugeront sur des actes sortis de leur contexte. Négro, je sais que mon succès me vaudra un max d'ennemis en plus. Chaque des bandes de fils de pute, ça me permet de gratter sur le budget pub. Sous le poids de la critique, soit t'es fort, soit t'es mort. Ego, pas de place pour les flûtes. Ego, ni les porteuses de jupe. Yeah, soldats, faut que vous sachiez, s'ils sont 6000, on est 300. La partie est donc égale, viser juste et tirer droit devant. Pour nos affaires t'occupes, aucune inquiétude, aucune. Tu te questionnes sur notre culte et nos financements occultes. Coucher après vous et lever avant vous. Avant, tu croyais avoir la dalle, nous on a la même mais on cube. Je prie Dieu pour le meilleur, mais je me prépare au pire. Ego, je suis venu en paix, mais si tu tires, je tire. Veste en cuir sur ma brown skin. Esprit sale, mes corps clean. Je rêve de gérer des holdings. Me faire sucer le brushy comme B. Tu veux savoir pourquoi je rappe, Ego? Tu veux savoir pourquoi je rappe? Parce que c'est ce que je fais de mieux et que chaque héros a besoin de son propre hymne. Si la vie m'y oblige, je serai fourvice, la et sournois. Je me dois d'être prêt pour la guerre, car je sais qu'elle le sera pour moi. Ils voudront déjouer nos plans, chercheront à détruire notre clan et à s'asseoir sur nos épaules pour nous faire croire qu'ils sont grands. Tout le monde m'a déçu, tout le monde m'a blasé. Ta clique de suspitrie jaune, depuis que je me suis placé, je les vois tous prêts à changer de sexe juste pour quelques pesos. Ne capte pas que tout n'est qu'une affaire de rapport de force et de raison. Si tu piges l'ampleur du message, Ego prévient les autres. Ouais, Ego prévient les autres. Sinon fuck toi et tes autres. Je porte mes couilles, j'entreprends. Je ne cesserai de leur rapper. Face qu'aux dégâts, maille qu'on sort. On fait plus de mal qu'Hitler. Je ne cesserai de le rappeler. Je viens allumer ces raclos. Augmenter les prix. Donner une chance à vos historiens d'écrire le plus beau chapitre de leur vie. Bébé, t'es aussi folle que moi si tu crois en tout ce que je te projette. On urinera sur leur tombe à travers la fenêtre de mon jet. J'prie Dieu pour le meilleur. Mais je me prépare au pire. Ego, je suis venu en paix. Mais si tu tires, je tire. Je veux que le monde se souvienne. Je n'attends personne qu'on me soutienne. Ego, je suis venu en paix. Mais si tu tires, je tire. Mon gars Bassirou qui est là aussi. Bang, bang, bang, bang. 92 Nanterre, les Pablo. Bang, bang, bang, bang. Orléans 45. Bang, bang, bang, bang. Denflo, Jimmy, Dox. Bang, bang, bang, bang. McCoy, Peperos. Brahms. Perestroika dans les bacs, mon pote, va le chercher. 5000 exemplaires. C'est Dossé, notre invité, avec Perestroika qui est dans les bacs, en effet. Et on rappelle 5000 exemplaires seulement pour le CD. Hein. Sinon, pour téléchargement légal, on peut y aller. Illimitix. Ce soir, Joe est là aussi avec nous. Là, si vous êtes prêts maintenant, l'Ordissa est aux platines. Comme chaque soir entre 20 et 21. C'est Tipar, c'est Tipar. C'est une version spéciale du coup du patron. Ouais, bah ouais. Une version duo. MTP Orléans. C'est une version amputée. Bon, ça le gradure quand même, en tout cas. Ouais. Je sais pas, il est peut-être sur le retour. Big up à lui, big up à lui, Durgra. C'est parti. Qu'est-ce que t'as dit en live. Ta mère? Qui c'est que tu plains? Allez-vous-en, je ne veux pas l'histoire. Mais putain, qu'est-ce que t'as dit sur ma mère? Allez-vous-en, je ne veux pas l'histoire. Perestroika dans les bacs, mon négro. Allez-vous-en. C'est con, toi. DJ Lord, dis ça aux platines. Tu me feras plus le coup du patron maintenant. Le coup du patron maintenant. Yeah. T'entends pas ou quoi? Yeah. Ok, Yuri, Durgra, Joki, Bourmet, Oji, mes pulcra, Mendoki. Grosse liasse dans le blue jean, grosse paire de couilles à la poutine. Cousine, je suis à Orleans, ce que Jay-Z est à Brooklyn. Quand j'ai fait mon entrée dans ce jazz, tous ces bâtards ont croit vu que je viens des du terroir. Ouvre ta grand-mère et on te pèse, on te faire partir avec ta bite dans un tupperware. Ego la chronique, je ne la fume pas. Ego la chronique, je la défraie. Sale fils de pute, je t'aime bien, oui, mais je me préfère. Bitch, je te fais sauter la nuisette. Crache tout mon produit laitier dans les puisettes. Flotte la lâche-ca, froide l'Alaska. Avec la délicatesse d'un Glock 17. Groupie, tu payes ta schneck. Même si t'as des frisettes. Yuri, vous baisse ta tête. Je suis le fucking best. C'est la moindre des choses que je puisse être. Ok, Yuri, Durgra, Joki, Bourmet, OG, le Pultra, Mendoki. Tu me feras plus le coup du patron. Tu me feras plus le coup du patron. Tu me feras plus le coup du patron. Tu me feras plus le coup du patron. Je rappe le cul d'Aracli comme Obama. Là pour vendre la pure, nique les puristes. Prends une ligne, étudie. Suce ma bite, t'as des tulipes. Un poulet braisé avec du riz. On rafale toute la place avec Yuri. Un pop, petite pétasse, mais c'est du riz. Des points dans les culs, des points sur le i. On a grandi dans les chaudrons du pays. Produit dopant dans les urines. Trouve pas ma voix dans les urnes. Les autres soient sûrs qu'on les surine. On transforme un bœuf en légumes. J'suis gêné mec, avec du bif. Plus de bif, du gros bif. Au martini, à l'apéro. Ensuite j'te mets une olive. Ramène tes tomates pour nous éliminer. Ça chauffe comme la terre promise. Pétasse, fais pas ta diva. J'te prends par derrière comme une choriste. Ohis, ohis. La chatte à Gabriel Solis. J'm'introduis, m'reproduis. Et laisse la capote dans ton lit. Ok, ok. Yuri, Durgra, Joki, Bourmet, OG, mes pulcra, Mendoki. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu feras plus le coup du patron. Tu frappe le coup du patron. Je mate le cul d'Aracli comme Obama. Je mate le cul d'Aracli. Je mate le cul d'Aracli comme Obama. Je mate le cul d'Aracli. Je mate le cul d'Aracli comme Obama. Bama, bama, bama. Je mate le cul d'Aracli comme Obama. Bama, bama, bama. Gradure, Jokizi, Dossé, Yuri. Dossé. Pere, Stroy, K, B. 45 Orleans, ma ville, mon pote. Yeah, yeah. Perez Troïka dans les bacs. Yuri. Mais hein? Faut aller pécho, Perez Troïka, une dinguerie. Faut aller le pécho fort, fort, fort, fort, Hugo. Va le chercher. Perez Troïka, Perez Troïka. On va tellement le répéter que tu vas croire que c'est ton prénom, frère. Perez Troïka, c'est dans les bacs depuis lundi avec ce coup du patron. C'est on ça trouve même aussi le morceau avec, avec Joke, avec Gradure et avec toi Dossé. C'est ça. Le morceau que vous faites parfois en live aussi. Ouais, ouais, et c'est assez impressionnant. Et ça marche très très fort en live. Mmh. Ça marche très très très très fort. Le coup du patron, vous l'aviez senti ça aussi, que c'est un morceau aussi de scène, la ouais, façon... ouais, ouais. Bah, de toute façon, nous on l'a fait déjà dans cette optique-là. Et t'as vu, tu sais, au studio, quand des fois tu t'écoutes le truc et tu sens que t'as fait un truc, tu vois. Tu sens que ça va matcher. Toi aussi, Joke, pareil. Moi aussi, j'ai senti direct, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, on était contents de nous, tu vois. En faisant le morceau. En plus, on a bien déliré en faisant le morceau, tu sais. Je pense que ça se ressent. Le... Ouais, ça se ressent, ouais. Tu vois, ça se ressent qu'on s'est amusé en faisant le morceau. Après, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire à trois en live. Ouais. Ah bah, ouais. Je pense que c'est compliqué avec vous trois en même ouais, temps. Ouais, quand il y en a un qui est là, l'autre il est ailleurs. Ouais. Mais ça se fera, ça se fera. Le jour où ça va se faire, ça va être très très lourd. Ce sera mémorable. Le coup du patron, à l'instant, on le retrouve sur le projet Perestroïka. Avant de se quitter, avant de faire tourner la roulette. On finit avec un dernier morceau d'Ossé ce soir. Ouais, pourquoi pas. Allez, tiens, choisis. 30 secondes, on ressent tout de suite. Lequel, parmi les 15 morceaux qu'il y a de dispo sur Perestroïka? Je pense qu'on va mettre un petit article 22. Article 22. Ouais, un petit article 22. Ah, on l'a pas passé encore celui-ci. Ouais, on l'a pas passé encore. Tu veux dire un mot, comment il est né celui-ci? Bah écoute, prod de Richie Beats encore une fois, lui aussi. Et bah il est né, il est né parce que ça m'a inspiré et que j'ai eu l'idée de faire ce morceau, article 22. L'article 22, pour ceux qui connaissent pas, l'article 22, c'est démerde-toi comme tu peux. C'est ce qu'on dit, ouais, 22. Article 22, démerde-toi comme tu peux. Ouais. Voilà, c'est ça. Et bon, on l'écoute maintenant, c'est extrait de Perestroïka. Yeah. Oh Mohamed Karim, Tunisie. Soit tu baisses ton fucking froc, soit tu fais le choix d'être une grosse pointure ou celui de n'être qu'une fucking fiotte. Chez moi tout le monde vend de la drogue dure, mais ce n'est pas de ma fucking faute. C'est la vitre, la fête nous des ordures. Je lève mon verre à la fucking vôtre, à la fucking vôtre. 3h de l'après-midi, j'ai même pas honte d'être au lit. Cherche un raclo prêt à me pousser un tronli, ainsi qu'une raclée avec un zeste de folie. Pour se coffrer le tosma dans des endroits insolites. Ces fils de pute m'ont sucré le RSA. Je traque la meuf de la cave, je lui fais des l'air ça. J'esquive ma fouf quand elle me parle de cancer. Et ma daronne quand elle me questionne sur mes vers ça. Les mauvais payants poussent au crime. Me provoque stress et anxiété d'aller où. Ces jours-ci, je passe tout mon répertoire au crime. Traque chaque être vivant qui me doit des housses. Moi qui m'étais juré de plus retoucher au narco. Mais je suis pas doué pour le vol. Pas trop chaud pour les plans braco. J'ai réactivé ma puce, relancé mes anciens los bravo. J'suis prêt à couper ma cesse salaire pour tous les rendre accro. J'suis pas un youvoi, juste un mec qui se démerde. Un charbonneur, un Renoir qui se démerde. J'suis pas un youvoi, juste un mec qui se démerde. Un charbonneur, un Renoir qui se démerde. Soit tu te serres la ceinture, soit tu baisses ton fucking froc. Soit tu fais le choix d'être une grosse pointure ou celui d'être qu'une fucking fiotte. Chez moi tout le monde vend de la drogue dure, mais ce n'est pas de ma fucking faute. C'est la vitre, la fête nous des ordures. Je lève mon verre à la fucking vôtre, à la fucking vôtre. Igo, j'ai plus la foi de poser des CV. Autour de moi, tout cette même tendance à dévier. Ça me parle que de me gras, de kilos, de CC. D'escroquerie, de faux chéquier, de numéro de CB. Cherche à posséder par tous les procédés. Tu veux savoir ce que ma question préférée? Qu'est-ce que je vais faire de tous ces putains de péchés? Ni l'imam, ni le curé n'ont le courage de nous prêcher. Des frères qui s'allument, des vies qui s'éteignent. Des mandats, des parlus, des pères qui se dépeignent. Des gitans, des queutures, des rapsous, des crènes. C'est la ghetto réalité que mes rimes dépeignent. Y'a rien de si facile dans l'argent facile. Igo, toute cette merde est un mythe. Toute cette merde est un mythe. Et j'ai rien trouvé d'autre que d'en faire un titre. J'suis pas un Youva, juste un mec qui se démerde. Un charbonneur, un Renoir qui se démerde. J'suis pas un Youva, juste un mec qui se démerde. Un charbonneur, un Renoir qui se démène. Soit tu te sers la ceinture, soit tu baisses ton fucking froc. Soit tu fais le choix d'être une grosse pointure. Ou celui d'être qu'une fucking fiotte. Chez moi tout le monde vend de la drogue dure. Mais ce n'est pas de ma fucking faute. Si la vitre l'a fait de nous des ordures. Je lève mon verre à la fucking vôtre. À la fucking vôtre. Chez moi c'est Orléans mon pote, au cas où t'as pas compris. L'article 22. Démerde-toi comme tu peux. De Dossé sur Perestroïka à l'instant, sur Skyrock. Un gros son aussi celui-ci. Hein. Ouais, merci. Article 22 qu'on écoutait pour pratiquement conclure l'émission. On a le temps de finir avec Bendo. Lourd. Donc c'est bien de finir aussi avec ce morceau produit par Core. Il va rentrer dans vos têtes ce morceau, vous allez voir. Celui-ci va rentrer dans les têtes. Bendo. Tu l'as récupéré sur l'iPad celui-ci ou pas, Joe? Je connaissais d'avant. Ah. D'ailleurs, il y a beaucoup de morceaux en fait que je connaissais d'avant en fait. Ouais. La plupart des morceaux, j'avais écouté déjà. C'est bien. Ouais, c'est bien, c'est bien. T'as écouté bien. Un peu lui ce qu'il prépare ou pas? Ouais, j'ai écouté deux, trois trucs, ouais, aussi. Il y aura une prochaine rencontre ou c'est pas d'actualité entre moi? Moi, j'ai l'impression que si ça se refait trop rapidement, ça va devenir trop normal, tu vois. Donc, faut attendre. Il faut qu'à chaque fois ce soit un événement. C'est ça. Vois, c'est ça le but. Après, donc, oui, ça devient une routine, c'est pas bon. Voilà, tu vois. Après, ça devient un boys band après. Exactement. Tu vois? Bon bah avant le boys band on va conclure ce morceau. La roulette qui va tourner aussi, 41-7-5-9. Les inscriptions, on finit avec Bendo. On fait tourner la roulette et on trouve Default juste après. Sors ta meuf, amène-la à la chicha mon pote, fais-la danser. Bête de zomblou, paire de Dita sur le pif. Troisième doigt levé juste pour le kiff. Tous les jours mes frères sont dans le bendo. C'est un pour la monnaie, deux pour le bif. Je crois bien qu'il est temps que je change de ce pull. Mon bigot commence à me faire des faces cheloues. Je crois bien qu'il est temps que je change de te puce. Elle m'a pris pour son raclo, ça devient grave relou. On arrache pas de vieille, pas de ça chez nous. Charbonne tout l'hiver pour faire l'été à Cap Salou. Toutes sortes de dope, coke, weed, hash, caillou. Toutes sortes de bolos, bob, tout renoir, rebe, pas de jaloux. J'pense cesse extra quand j'ai pas d'oseille. J'mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es mal, cabré. Et j'ai l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. Dans le bando. Bénéfice planqué dans le matelas. Billet bleu, billet jaune, billet pourpre. Les incoums, téléphone du carpla. Déjà 4 piges qui n'étourent. Soir c'est tous mes youvois sont de sortie. Bouteille à la blotaga même si personne tisse. Grégus, belvé, tombé. Insolent, effronté. Même ta belle est domptée. On veut pas finir en chien comme tous ces graves en schlagué. Rien que les feux que prennent en photo, ils sont graves aux aguets. Mais nique sa mère, on tape la démarche, on est salement swagué. Plaque et DG, j'y vends, chise et balanciagué. J'pense cesse extra quand j'ai pas d'oseille. J'mate les culs sur Insta quand j'ai pas sommeil. On veut des PM, OG, Benzo. Dans ce maudit Benzo. T'es mal cabré. Kaira, laisse ta calme. Air Max, craqué. Sur bête poche, c'est le train toute la night. Et j'ai l'air de la coco. C'est que j'ai plus de chance d'attraper le tas que de gagner au loto. dans le bendo. Dans le bendo. Crois pas qu'on joue dans le bendo. Si je traîne toute la night et j'ai l'air de la coco, c'est que j'ai plus de chance d'attraper le das que de gagner au loto. Dans le bendo. DJ Corp, bien vu. C'est la famille Yuri DJ Corp. Pas de jaloux. Oh Adnan Max Sizzlack. Il y en aura pour tout. Blaze La Cop. Bendo à l'instant pour conclure ce Planète Rap avec Dossé, avec Joke qui était là ce soir avec nous entre 20 et 21. Merci Joke d'être passé. Merci à Dossé de m'avoir invité. On te retrouve sur les différents... force à lui pour ce projet-là, qui est très sale, pour ce que j'ai pu entendre. Force à nous. Et je sais que la suite est très très sale aussi, pour ce que j'ai pu entendre d'autres choses. Donc voilà. Yuri arrivera. Voilà, c'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Et puis Joe, quand tourner, alors là, c'est pour les Canadiens ce week-end, hein. C'est ça, Montréal. Ceux qui nous écoutent. Et après, on revient en France. Tu vas bien te marrer, je pense, au Canada. Je pense aussi. Ah, ouais, je pense aussi. T'as été toi, Dossé, t'as joué là-bas au week-end? Non, jamais, jamais. T'as pas fait? Ouais, jamais, j'ai jamais été là-bas. Et des clubs sympas? Ah ouais? Clubs comment? Bah, des clubs très raisonnables, tu sais. Ok. C'est dans ça que tu vas? Tu t'en doutes. C'est dans ça que tu vas, Fred? Non, mais on m'a dit, hein, moi je suis jamais allé. Ah, ok. On m'a dit. Bon, merci d'être passé en tout cas, Joke, ce soir. DJ Lord Issa, au platine toute la semaine, mon pote. Et toute la semaine dans l'émission. Yeah, big up à lui. Lord Issa, qu'on salue évidemment. Et qu'elle a tous les soirs. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti. Skyrock t'offre Kev Adams, le comique numéro 1 de la nouvelle génération. Avec Maxime de Saint-Nazaire, ça va bien, Maxime? Ça va et toi, Fred? Eh ben, écoute, en pleine forme. Faire tourner la roulette. Salut, Dossé, tranquille, les gars. Ça va ou quoi, mon pote? Ah bah, cool. C'est grande rigolade dans le studio. Si, si, coolax. Non. Y'a qui avec toi, Maxime? Ma femme. Ah, c'est ça, ah, je me disais. Elle est au studio. C'est quoi ce changement de voix bizarre? Maxime se transforme et transformiste de la voix. Elle s'appelle comment ta femme, Maxime? Cécile. Eh ben, Cécile et Maxime. Salut, Cécile. Salut, Cécile. Elle est morte de rire, Cécile. Depuis tout à l'heure, elle est morte de rire. Génial. On fait tourner la roulette ensemble? Allez, faites-nous un post-stop à Saint-Nazaire. Ok. Allez, stop! Magnifique, Maxime et Cécile qui... iront au spectacle de Kev Adams le 30 mai à Nantes. Okay, c'est pour vous, super, Maxime merci, et cool. Cécile. Paris. Pourquoi Paris? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des places pour Paris, pour Kev Adams? Non, pour Nantes, carrément, c'est ah cool. Ah ouais, ok, non, donc c'est Cécile qui a pété Paris. Paris et tout, ah, quoi, bah vous supportez pas le FC Nantes? Non, on est pour Paris ici, nous. Eh bah écoute, on fait un bisou à Cécile qui est une grande supportrice de Paris. Et on te salue aussi, Maxime, et bon spectacle le 30 mai au Zénith de Nantes. Cool, ciao, ciao. Merci. Ciao, merci à vous, merci Dossé. Demain, la dernière déjà? Ouais, demain la dernière, ouais. On loupera pas entre 20 et 21. Et puis Joke, je le disais, on le retrouve un peu partout, sur toutes les routes de France. Ouais, France. En attendant un nouveau projet pour Joke, sans date, pas de pression, rien. Pas de pression. Tout va bien. Ça arrive pas. Merci à vous tous, on va retrouver D-Fool. Maintenant c'est parti, c'est l'heure de la radio libre. Et oui. Ciao. Merci Fredo. Ciao. Et merci Dossé le retour demain. Et demain, à partir de 20h, dernière de la semaine demain, pas louper. Hein. Soyez là sur Skyrock et le Planète Rap Dossé pour demain, mais là d'abord la radio libre. Et c'est parti jusqu'à minuit sur Skyrock. Comme vous êtes prêts, un petit Mark Ronson pour démarrer. Allez, c'est parti avec Mark Ronson. Bonjour la Marie, bonjour Romano. Bonjour Momo. Bonjour Karim et Samy aussi. Bah, tout le monde est là, profitez-en vous aussi. 01 53 40 30 20, vous nous appelez, on arrive tout de suite. Allez, minute de pub et juste après, Mark Ronson, Bruno Mars et la radio libre en direct sur Skyrock jusqu'à minuit.